J'arrive à hauteur d'une intersection. J'aperçois un panneau de stationnement interdit avant et après l'intersection et un passage pour piétons. En dehors de cette signalisation, rien n'indique le régime de priorité à cet endroit. Cela veut dire que je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Bien que la voiture blanche se soit arrêtée, je ne dois pas m'engager. Son conducteur est peut-être en train de chercher son itinéraire. Je patiente. C'est à lui de passer. Réponse B.